Chapitre 5. Il était remonté tout de suite à sa veine. À peine évadé des galères, il s'était remis sur le dos, dans son trou, en haut de la chaîne, aggravant encore son cas. Et là, ayant d'abord entaillé la roche au pic, comme ceux qui exploitent le charbon, il travaillait maintenant avec le ciseau comme le sculpteur, tandis que l'eau tombait goutte à goutte de son visage. Il était à 3 ou 4 mètres de profondeur, dans un boyau juste assez large pour laisser passer son corps. Là, touchant le sol des deux épaules, il travaillait les bras levés, pendant qu'une goutte tombait, puis une goutte de la paroi, et elle se mélangeait sur ses lèvres, à sa sueur, étant elle-même salée. Mais qu'est-ce que ça fait? Est-ce qu'on n'a pas la liberté? Il sortait de son trou, il s'asseyait sur la corniche, il se tassait contre la roche, il s'assurait bien d'elle tout d'abord avec tout son corps, comme s'il avait eu peur d'être emporté. Il n'avait plus ensuite qu'à laisser son regard aller, car où qu'il le tournât, il n'y avait que le vide. Il fallait qu'il se penchât un peu pour apercevoir le chalet dans le pâturage, juste entre ses genoux. Les vaches brunes et noires étaient des points épars qu'il fallait fixer un moment des yeux avant de les voir se déplacer, grosses comme des coccinelles, tandis qu'au coin du toit, la fumée bleue se tient debout comme une plume de jais. La roche autour de lui brille au soleil comme une aile d'ange où l'or et l'argent sont combinés. Il était à près de 3000 mètres, c'est-à-dire là où toute herbe cesse et seules quelques mousses arrivent encore à y vivre, suspendues dans les airs comme sur une machine volante, n'ayant devant lui et à sa hauteur rien que l'air. Alors, laissant tomber encore son regard, il voyait cette terre en effet bleuir dans son épaisseur, parce que plus loin s'ouvrait la vallée du Rhône, qui est large, et même c'est une des places où elle a la plus grande largeur, avec son sol plat, sablonneux, où on cultive l'asperge et l'abricot, et de nouveau en face de lui rien que l'air. Puis, derrière ce voile, comme quand on regarde à travers une vitre de couleur, il y avait, rangés en demi-cercle, à l'infini, à sa droite comme à sa gauche, les hautes cimes des Alpes valaisannes, puis celles de la Savoie, puis même celles du Dauphiné, assises ensemble et louant Dieu. Tout allait bien, il avait trouvé de l'or, quelquefois il travaillait des jours entiers sans en trouver. D'autres fois, au bout d'une heure ou deux, il avait déjà assez de poudre pour remplir l'une de deux bourses de cuir qui était fixée à sa ceinture. Il se disait « Tu as fait ta journée, tu peux te reposer ». Pour sortir de la veine, il devait ramper sur le dos en s'aidant de la paume des mains et des talons, mais, arrivé à l'air libre, il n'avait plus qu'à ramener en avant le haut de son corps pour être assis. Il était en plein soleil, il ouvrait sa bourse, il en faisait couler le contenu entre ses doigts. C'est liquide, c'est fin, c'est doux, c'est agréable au toucher, c'est plaisant à caresser comme des cheveux de femme. Il faisait couler la poudre d'une de ses mains dans l'autre, elle se mettait à briller au soleil. Ce n'est pas encore de l'or, pensait-il, tant que c'est caché sous la terre. Il faut que ça vienne à la lumière pour que ça s'éveille et que ça s'allume, parce que c'est une espèce de soleil, et que ça reconnaît sa parenté. Mais à présent, regardez-moi ça, c'est beau de couleur comme du fendant d'une bonne année. C'est doux, c'est caressant, c'est fin, et puis quoi? C'est la liberté. Regardant autour de lui, et ça lui chantait dans le cœur. Qu'ils viennent seulement voir si on n'est pas bien ici, et mieux ici que dans leur bureau, mieux que dans leur prison, mieux que dans leur rue. Mais ils ne pourraient pas venir, même s'ils le voulaient. C'est trop haut pour eux, et trop perché, ces juges, car ces vieux, ces messieurs du gouvernement, car ces noués de rhumatisme, ces gendarmes, car c'est trop bien nourri. Je leur dirai, est-ce que ça en est, oui ou non? Vous voyez où je l'ai trouvé. C'est la montagne qui me le donne. La montagne, c'est la liberté. Et me croyez-vous à présent, ou bien, si vous ne me croyez pas? Il tenait devant lui sa bourse grande ouverte, où était dans la lumière ce feu doux. Alors, levant la tête, il se mettait à respirer l'air chaud et froid en même temps. Il regardait autour de lui, il se voyait seul dans les airs, et tout à coup, ça lui partait du cœur, et il se disait « Liberté ! Mais qu'est-ce que c'est que la liberté ? C'est quand on fait ce qu'on veut, comme on veut, quand ça vous chante. C'est quand on ne dépend que de soi. C'est quand tous les commandements partent de vous. Tu veux rester couché, reste couché. Tu veux te lever, lève-toi. Tu veux manger, eh bien mange. Tu ne veux pas manger, ne mange pas. Et tu veux faire de la monnaie, tu peux faire de la monnaie. » Il se mettait à rire, et, ayant refermé sa bourse, s'étant assuré encore qu'elle tenait bien à sa ceinture, ayant ramené sa chemise par-dessus, il allait boire à la bottille qui était au frais dans une crevasse sous le surplomb. Puis voilà que, se retournant après avoir bu, de nouveau toute la beauté du monde et toute la grandeur du monde lui sautaient contre. Il chancelait comme un homme ivre, il allait en arrière en mettant la main sur les yeux, puis, l'écartant de lui peu à peu, il se mettait à regarder toutes ces choses si souvent vues, et pourtant comme jamais vues, chaque fois renaissant de rien, ressuscitées de leur mort même, redressées devant lui dans toute leur nouveauté, de sorte qu'il avait chaque fois besoin de s'orienter à nouveau à cause des changements du ciel nuageux ou pas nuageux, des changements de l'air et de l'éclairage, des changements aussi qui s'étaient faits en lui. Il s'asseyait au bord de la corniche, tellement en avant que ses jambes pendaient dans le vide. C'est là qu'en se penchant un peu, il découvrait d'abord entre ses genoux le chalet avec son toit couvert de feuilles d'ardoise, posé à plat dans le verre, à côté d'une mare ronde qui brillait. La mare était grande comme un verre de montre, le toit pas plus grand qu'un livre de messe, quand le noir de la reliure, à cause de l'usure, tourne au gris. De temps en temps, un appel montait du pâturage ou le battement d'une cloche. Alors, il riait de voir les vaches, pas plus grosses que des graines de courge. Les hommes n'étaient qu'un point comme des graines de radis. Alors, portant ses yeux plus loin, il tombait encore d'un étage. Il recommençait à tomber droit en bas de 1500 mètres ou davantage, jusqu'au Rhône, devenu comme une cordelette blanche dans une espèce d'eau de savon qui était l'air. Et de là, il remontait. Il remontait en face de lui par les pentes, par les gorges et par les vallées, sur les croupes couvertes de bois vert, puis de bois noir, puis de prés avec des villages. Puis venait une première paroi de rochers, puis des pâturages, puis des rochers encore, puis il fallait d'abord fermer les yeux, de nouveau, il fallait d'abord les réhabituer à cette vue. Dans la lumière du matin, comme ce jour-là, et d'assez bonne heure, sous le soleil venu obliquement, c'était comme un feu de copeaux. Pourvu qu'on s'élevât assez haut du regard, ou qu'il se tournât maintenant, il allait se brûler à ses braises et à ses tisons. Depuis l'extrême-orient et le canton de Berne ou le canton d'Uri, jusqu'à l'extrême couchant en pleine Savoie ou plus loin encore, sur près de 100 lieues, régnaient partout ses tours, ses pointes, ses dents, ses cornes, toutes ses aiguilles, toutes ses flèches avec leurs neiges et leurs glaciers. Quelques-unes étaient pointues et élancées, quelques-unes arrondies, d'autres carrées, d'autres comme des murs, quelques-unes penchaient, quelques-unes étaient droites, quelques-unes haut perchées sur des arêtes, quelques-unes isolées et s'élevant depuis la plaine d'un seul élan, quelques-unes blanches, quelques-unes roses, ou comme de l'argent. Et là-bas, le Monteleone, en Italie, et là-bas, à l'autre horizon, des pointes perdues dans les vapeurs, et dont on ne savait pas le nom, quelque part, en Dauphiné. Combien s'en fait-il ? Combien s'en fait-il en tout ? Car il essayait de compter, puis il se perdait dans les nombres, alors il tâchait de les nommer avec ordre. Ça, c'est le Mont-Rose, ça, c'est les Michabel. Ça, c'est le Liskam, ou quoi? Ensuite, c'est le Bethorn. Ensuite, le Weisshorn. Et puis, il y a le Cervin. Et puis, il y a la dent des Reims. Et puis, la dent blanche et le Grand Cormier. On changeait 3 fois de langue. On commençait par l'italien, on passait de là à l'allemand, on finissait dans le français. Mais vous, est-ce que vous changez? Car toi, je te connais bien. Tu t'appelles le colon. À présent, je vous connais mieux, parce qu'on se rapproche de chez nous, avec le Pigne d'Arolles, la Ruinette, les Combins, le Vélan, puis les Jorras, le Mont-Dolan, puis là encore ce nid, cette poche à cristaux, c'est toutes les aiguilles, la verte, la rouge, celle d'Argentière, celle du Dru, celle du Tour, et cette fois j'y suis, parce qu'on est chez nous. C'était juste en face de lui, ou presque. Ah, je vous connais bien, disait-il. « Mais vous, me reconnaissez-vous ? » On voyait s'ouvrir droit vers le sud et largement une grande vallée qui, un peu plus loin, se dédouble et se continue en deux bras. Il n'était qu'un petit garçon qu'il partait déjà au milieu de la nuit avec son père qui avait dans son sac une carabine démontée et lui portait un autre sac où étaient les provisions. « Ah, te voilà, toi, je vous vois bien. Mais est-ce que vous me reconnaissez ?»« Eh bien, disait-il, tâchez de me reconnaître. C'est qu'on est resté le même, voyez-vous, c'est qu'on vous est resté fidèle. C'est que, si vous n'avez pas changé, nous non plus, on n'a pas changé. Vous ne vous inquiétez pas de ce qui est défendu et de ce qui est permis, ce qui veut dire que tout est permis. Vous avez vos chamois, vous dites, venez les tirer, si vous pouvez. Vous avez de l'or, vous dites, venez me le prendre. » Il continuait son discours, il disait, « C'est de la bonne guerre, et au moins avec vous, on est au-dessus des lois et des règlements. » Elle brillait dans la lumière, changeant de couleur et d'éclairage, à mesure que le soleil montait. On voyait les ombres se déplacer lentement, et l'une de ces ombres, qui était couchée, se mettait assise, et se levait en s'étirant, comme un homme qui a dormi. On en voyait une autre monter rapidement à une pente raide. Arrivée au sommet, elle s'évanouissait dans l'air. Il y en a une de ces montagnes qui est comme une femme qui ôte son caraco gris. Une autre tient devant elle un miroir. Le miroir bouge dans sa main. Il y en a qui sont étendues, toutes nues, montrant leur grand corps avec sa belle couleur, ou seulement leur poitrine avec ses pointes un peu plus roses. Parce qu'à mesure que Farinet les regardait davantage, elles prenaient vie un peu plus. Quelques-unes, à présent, se tournant vers lui, certaines lui faisant signe. Alors il a recommencé. « Voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qu'il me faut faire? Moi, je sais bien ce qu'il me faut faire, mais vous êtes peut-être d'un autre avis ?» Regardant se déplacer et se soulever dans la lumière toute l'assemblée des montagnes, de sorte qu'il leur parlait, il leur disait « C'est que j'ai déjà été en prison en Italie, c'est qu'ils m'ont mis ensuite aux galères, à Sion, et je suis sorti tout seul de leur prison. Ils ne m'ont pas tenu bien longtemps non plus dans leurs galères, à cause de ce que vous m'avez appris. Oui, vous, disait-il, vous les tours, vous les cornes, vous les aiguilles, colonnes de la liberté. » Des nuages montaient derrière la chaîne, là où va le chemin vers Aoste et l'Italie, et où sont les religieux du grand Saint-Bernard avec leurs chiens qui ont un tonneau au cou. Il disait, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Il posait sa question aux montagnes, tournées vers les grandes aiguilles, et il voyait des nuages noirs qui montaient, comme il arrive souvent en été, tandis qu'elles restaient toutes éclairées et pures. Il posait sa question. Des personnes, quand même, des personnes, ces montagnes, et qui savent mieux que nous ce qu'il nous faut, et grandes et puissantes, regardez, puis se penchant vers le chalet. Parce que, voyez ce que c'est qu'un homme auprès d'elle, eux qu'on ne voit seulement pas à la distance où ils sont de moi. Ce n'est qu'un point, c'est tout petit, c'est prudent, c'est précautionneux, ça a peur. Il y en avait une de ces montagnes qui était plus grande que les autres, avec une tête et des épaules, vue à mi-corps, l'ombre d'un nuage a passé dessus. Puis l'ombre tout à coup s'est retirée, alors on l'a vue balancer en avant et en arrière. Elle a hoché la tête. Comme quand on dit oui. Chapitre 6. Or, quelques jours après, un soir qu'il rentrait au chalet, un peu plus tard qu'à l'ordinaire, il a vu le maître, qui était assis sur le banc à côté de la porte, se lever en l'apercevant. Le maître était venu à sa rencontre. « Ah, justement, je t'attendais. Tu as manqué une visite. »« Oh !» a dit Farinet, qui s'était arrêté. Farinet a repris. « Est-ce que je peux continuer, ou bien, s'il faut que je m'en retourne, parce que les gendarmes... »« Oh !» a dit le maître, « tu peux continuer. Les gendarmes, on n'en a pas revu un seul depuis l'autre jour. » Les deux hommes s'étaient rejoints. Le maître semblait maintenant un peu gêné. Farinet lui a dit, « Alors, qui est-ce ? » Lui, il disait, « Devine. Comment voulez-vous que je devine ? C'est Ardeva ?» « Non, dit le maître, ce n'est pas de ce côté-là qu'il te faut chercher, pas dans ce compartiment. Et puis, c'était pas un homme. » Ils marchaient l'un à côté de l'autre, la nuit n'allait pas tarder à venir. « Ah, c'est vrai !» avait dit Farinet. Il était un peu gêné, lui aussi. « Elle vous a dit son nom ?»« Oui, vous la connaissiez ?»« Un peu. Je me souvenais de l'avoir vue, chez Critin. Oh, c'est une bonne fille, elle m'est bien dévouée. Alors » a-t-il dit. Eh bien, tu sais qu'elle n'est pas contente. Elle dit qu'il y a déjà plusieurs jours que tu aurais dû descendre, parce que tout est prêt. Oh oui, a-t-il dit alors un peu tristement, il faudra que je descende. Et, a dit le maître, elle voulait à toute force aller te trouver là-haut, parce qu'elle avait des choses à te remettre. Mais moi, je lui ai dit, c'est pas possible, mademoiselle. Ça n'est pas fait pour les femmes, ces endroits-là. Alors, elle t'a attendu. Oui, jusqu'à 6 heures. Et puis, elle est repartie, parce qu'elle ne pouvait plus attendre. Mais elle a laissé son panier. Et justement. Alors, le maître s'arrêta, parce qu'ils allaient arriver au chalet, et plus bas, elle te fait dire qu'elle pendra un drap de lit à la fenêtre, sous le toit. Et si le drap y est, c'est que tu peux venir. Farinet a hoché la tête. Ils sont entrés dans le chalet. Farinet s'est assis devant le feu. Le maître lui avait apporté le panier. « Merci », avait dit Farinet. On le regardait à la dérobée. Il a soulevé le linge blanc qui en couvrait le contenu. Tout à coup, il a dit « Eh bien, il va y avoir de quoi faire ». Il a tiré du panier 2 bouteilles, puis les mis debout, à côté de lui, mi-jaune, mi-noir, à moitié éclairé, à moitié dans l'ombre. Mais il y avait dans le panier d'autres choses qu'on ne voyait pas, mais il les a sorties également. C'était entre autres une miche de pain tout frais, qui est une grande gourmandise, qui vivent 6 semaines et plus sur leur provision de pain sec. Tout de suite, il avait pris son couteau et avait taillé dans la miche. Il en avait tendu d'abord une tranche à chacun des enfants, bien qu'ils eussent soupé, puis une tranche à chacun des hommes qui étaient là, bien qu'ils eussent soupé de même. Il y avait encore du jambon dans le panier, et chacun avait eu sa tranche, le maître aussi. Ils avaient eu beau refuser, on voyait que Farinet y tenait, et lui ne s'était servi qu'en dernier lieu, assis tous ainsi autour du foyer, sur 2 bancs rejoints dans le bout. Il s'était mis à manger sans presque rien dire, pendant que la nuit venait tout à fait. Alors Farinet avait aussi débouché les bouteilles. Il avait rempli un verre qu'il avait tendu au maître, qui a dit « À ta santé !» puis l'a vidé en 3 gorgées. Puis le verre avait circulé selon les rites, du plus vieux au plus jeune, Farinet buvant le dernier. Tout à coup, il avait repris « Eh bien oui, je m'en vais descendre demain ou après-demain. » Il ne restait plus rien du pain ni du jambon. Il a fait circuler une dernière fois le verre. Il disait « Oh, c'est que là en bas, je suis bien installé. Ils pourront me chercher longtemps. J'ai 3 sorties. D'ailleurs, à présent, j'ai de la poudre, et plus qu'il ne m'en faut. » pendant qu'il montrait à sa ceinture 2 grosses bosses qui se voyaient sous le pantalon. « Il faut bien que je commence à fabriquer, » on lui disait, « à votre santé !» Il disait, « à votre santé !» La nuit était tout à fait venue, le feu, comme un autre soleil, commençait à baisser parce qu'on ne l'entretenait plus. Farinet s'est tourné vers Félicien et lui a dit, « Tu en auras une de mes pièces. »« Oh, merci bien !» disait Félicien. Il semblait un peu triste, et on ne le voyait qu'assez mal. Alors, il s'était tourné vers le frère de Félicien, qui s'appelait Pierre. « Toi aussi !»« Oh, merci bien !» disait Pierre. Chapitre 7. Joséphine avait refermé la porte, qui ouvrait sur le derrière de la maison, et malheureusement, elle grinçait un peu, étant ancienne et mal huilée. Mais c'était l'heure où tout le monde dormait déjà au village. Il y avait 2 jours déjà que le drap de lit était pendue à la fenêtre. Elle est descendue à travers le jardin jusqu'au mur d'enceinte dont la ligne pouvait se suivre de l'œil facilement et se lire jusqu'à la tour, même quand la nuit était noire. 2 jours déjà qu'elle l'attendait. La lune n'était pas levée, mais il y avait beaucoup d'étoiles, faisant au-dessus d'elle, dans le ciel sans couleur, des points brillants, blancs, un peu jaunes, ou bien verts, ou bien rouges. Elle voyait en arrière d'elle les façades des maisons, s'appuyant l'une contre l'autre, être pleines de trous qu'étaient les fenêtres, et ces trous étaient noirs, sauf un, et celui-ci, juste à ce moment, s'est éteint. Et elle a écouté, mais rien ne se faisait entendre, toute espèce de vent s'étant tue, toute vie d'homme ou d'animal étant devenue silencieuse, les poules dans leur poulailler, les chiens attachés à leurs chaînes ou enfermés dans la cuisine pour la nuit, un grand silence. Et là-dedans, alors, quand on écoutait mieux, comme si elle était née de ce silence même, une sourde rumeur montait, qui venait on ne savait d'où, une espèce de longue et soupirante haleine qui ne commençait ni ne finissait. Le Rhône, là-bas, dans la plaine, c'était tout. Elle était repartie, elle allait dans le bruit et la nuit mélangée. Elle allait dans ce grand silence, elle allait dans un air assez frais, sentant le sec et puis l'humide, aux places qu'on venait d'arroser, sentant bon, sentant toute espèce d'odeur de fleurs ou de plantes, le thym, la marjolaine, le laurier, et ça lui chantait dans la tête, et ça lui dansait dans la tête. Au milieu de la grande nuit, on va et on est toute seule. Il y a 2 soirs déjà qu'elle l'attend, mais peut-être que ce soir, il sera revenu. À un moment donné, elle avait vu sortir en avant d'elle, se démêlant peu à peu de la continuité de la nuit, la tour taillée en biseau, comme une chandelle qui a mal brûlé. Elle s'arrête, elle entend son cœur qui fait toc, toc, contre ses côtes, comme quand quelqu'un demande à sortir. Peut-être bien qu'il sera redescendu, car elle était déjà venue la veille et l'avant-veille, et inutilement, mais peut-être qu'aujourd'hui. Toc, toc, et puis le Rhône. Elle s'était remise à marcher parmi toutes espèces de pierres éparses, aux intervalles envahis par des buissons qu'il lui fallait contourner, mais la tour au-dessus continuait à lui faire signe, l'appelant, lui disant « C'est par là, à droite, et à présent à gauche. » Ainsi, elle a été amenée à son pied. Et voilà alors, tout de suite, elle avait vu qu'il était revenu, parce que le sac qu'elle avait caché la veille sous le buisson d'épines vinettes, à l'entrée du souterrain, n'y était plus. Le sac n'y est plus, il est là. La chose lui est criée silencieusement dans sa tête, puis son cœur recommence à faire du bruit. Elle avait de nouveau fait halte, s'étant appuyée un petit moment contre la roche pour se reprendre, puis on la voit qui s'est baissée, engageant le haut du corps dans un trou qui s'ouvrait là. « Mon Dieu, pense-t-elle tout à coup, j'ai oublié les mouchoirs. » Elle lui avait, la veille, apporté du linge, et les mouchoirs manquaient, et elle s'était promis de les apporter ce soir-là. Elle voit qu'elle ne les a pas, ce qui l'a fait s'arrêter encore, pleine de tristesse. Ah, quel mélange en nous! Puis, toute pleine de bonheur, parce qu'il est là. C'est ce qui compte, c'est la seule chose qui compte, depuis tant de mois qu'on est séparés. Il est en liberté, il est là, c'est tout ce qu'il faut. Étant reparti dans ce souterrain où on n'avançait qu'à frottement juste, ayant quelque chose de dur tout contre son épaule gauche, tout contre la droite de même, et au-dessus de soi encore, à ras du dos, elle faisait des mouvements de la main droite, tâtant la paroi devant elle, et du pied elle tâtait le sol au-dessous d'elle, parce qu'il devenait de plus en plus raide et raboteux. Elle se disait « ça va faire 10 mois ». Elle se répétait le mot « 10 mois ». Puis, à mesure qu'elle avançait, toutes ces choses s'embrouillaient davantage dans sa tête, ayant été amenées pour finir devant un second trou qui s'ouvrait entre ses pieds. « Tô !» C'est un appel de la montagne. C'est l'appel que les bergers s'adressent d'un bout à l'autre du pâturage, ou bien d'un pâturage à l'autre, par-dessus la vallée, dans l'air libre, sous le grand ciel, maintenant poussé dans le noir, de haut en bas, mais tout son cœur bondit parce qu'il va venir, il va répondre, parce qu'il est là, et « Tô !» encore une fois. Alors, de très loin, et venant par le même chemin, et en même temps assourdi, mais protégé et préservé par l'étroitesse du conduit, une voix est venue, « Tô !» une voix, et puis maintenant c'est lui, parce qu'on entend grincer une pierre. Le bruit, à cause de l'écho, semble à la fois très proche et très lointain, net et faible d'abord, puis plus fort, mais étouffé. Puis il redevient un simple murmure. « Tô !» dit-elle. On répond « Tô !» À 5 ou 6 mètres, au-dessous d'elle, une grosse pierre faisant saillie s'était alors faiblement colorée en rouge. « Écoute » a-t-elle dit à ce moment, « je serais bien descendue, mais je ne trouve pas l'échelle. » Et la voix qui lui répondait était lointaine et proche, tout à la fois. « Je l'ai ôté. Attends, je viens. » Il venait en effet, il continuait à venir, car la lueur est reparue plus vive sur la même pierre, et ensuite sur les pierres environnantes, passant de l'une à l'autre en même temps qu'elle s'accroît. Et la voix « Tu es toujours là ?» Et elle « Oui. » Alors, brusquement, la lumière était montée jusqu'à elle le long de la cheminée pendant qu'apparaît une main. Cette main tenait un falot tempête. Elle n'a pas besoin de se pencher beaucoup pour voir qu'à présent elle monte, c'est lui, parce que son sort est d'être tantôt dans les hauteurs de l'air et au-dessus des hommes, tantôt au-dessous d'eux, dans les profondeurs de la terre. Ô Farinet, tu es revenu !» Il a dit simplement « Tu vois ?» Quand ? Il y a un moment. « Ô, dit-elle, ô Farinet, tu es revenu !» Mais lui, étant maintenant arrivé avec le haut de son corps au niveau de ses pieds à elle, il n'a même pas levé la tête, tenant toujours la lanterne entre ses dents, de sorte qu'elle le voit et peut le voir parfaitement, et lui ne la voit pas et ne semble pas s'en soucier. Mais c'est peut-être qu'il est trop occupé, étant en train de fixer le haut de l'échelle à une cheville de chêne. Puis il a dit de nouveau entre ses dents « C'est prêt, tu peux venir !» Il redescend l'échelle, elle hasarde une jambe, l'autre ensuite dans le vide. « Oh, tu ne sais pas » a-t-elle dit pendant qu'elle descendait l'échelle, « j'ai oublié tes mouchoirs !» Il n'a rien répondu, elle a dit « Tu as trouvé ton linge dans le sac ?»« Oui !» Et d'échelon en échelon, elle est descendue. Alors, il a été là, et elle était là, réunie de nouveau, et après si longtemps rejoint, et si étroitement qu'ils étaient serrés l'un contre l'autre. Mais il a dit seulement une chose, ayant posé le falot à ses pieds. « Attention, je vais faire tomber l'échelle. Tire-toi un peu de côté. » Elle n'avait fait semblant de rien. Elle le suivait docilement. Il allait devant elle. Il n'était plus qu'une forme noire, bouchant presque entièrement le diamètre du couloir avec sa personne, sur les bords de laquelle seulement il y avait assez de vide pour laisser filtrer la faible lueur du falot. Lieu peu commode, lieu peu propice, et c'est ce qu'elle se disait pendant qu'elle s'étonnait quand même. Mais c'est taillé dans le roc, c'est fait tout juste pour passer, ça n'est pas fait pour être deux. Des glissements avaient dû se produire à la longue dans les assises de la pierre. Il disait « Attention à ta tête !» Il disait « Prends garde où tu mets le pied !» Ou encore, il amenait à elle la lanterne, tendant le bras en arrière, ce qui ne l'empêchait pas, elle, de se cogner à tout moment. Et ça avait duré longtemps, pendant qu'on descendait toujours. Mais soudain, elle avait vu Farinet se redresser. Elle-même, elle se redresse. Tout à coup, l'air était devenu plus vif, en même temps qu'une lueur, qui n'était plus seulement celle de la lanterne de Farinet, éclairait la paroi à quelque distance en avant d'eux. C'était une espèce de poche qui ouvrait par son autre bout à l'air libre sur la gorge. On voyait qu'elle était vaste et semblait saine. On a vu que Farinet allait être bien logé et même supérieurement logé. On a pu voir qu'il avait été bien servi, car il ne manquait de rien. Un seau avait été mis sous une petite source qu'on entendait tomber goutte à goutte dans un coin. Il y avait un foyer avec un tuyau, tout à côté une provision de bois sec, dans un autre coin, sur une dalle, une paillasse neuve et des couvertures de laine. Enfin, sur une seconde dalle, lisse et plate comme une table, devant laquelle une pierre carrée servait de siège, tout le matériel dont on a besoin dans le métier était disposé, c'est-à-dire un chalumeau, des moules de plâtre, un morceau de charbon de bois, des bouteilles d'acide, des outils. Il ne s'était pas arrêté pourtant, il a poussé d'abord jusqu'à son établi, là il se retourne. « Est-ce que tu as pensé à l'esprit de vin ?» Ce fut tout. Elle avait alors commencé à avoir un petit peu de mal à une place qui était sous son caraco, du côté gauche, sous le caraco, puis sous la chemise, et peut-être bien encore un peu plus profond. Elle n'avait rien dit, elle attendait. Ah, maintenant, il y avait de la place, toute la place qu'il fallait, bien plus de place qu'il n'en fallait, mais il lui avait tourné le dos et s'était assis. Et maintenant, séparée de lui déjà par l'espace, elle était encore par un petit bruit, comme un léger froissement de soie, qui était l'eau coulant profonde et lisse, à 50 mètres plus bas, au fond de la gorge, de sorte qu'il fallait élever un peu la voix, et il avait élevé un peu la voix pour lui parler. Séparée de lui par l'espace, séparée de lui par le bruit, séparée encore plus par autre chose, elle ne savait pas bien quoi, pendant qu'elle était là et elle le regardait. Il avait pris une de ses bourses de cuir, il la vidait soigneusement dans une caissette de fer. « C'est qu'il faut que je me remette à fabriquer, et tout de suite, je n'ai plus une pièce. Critin, t'a-t-il dit combien je lui devais ?» Elle a dit « Oh, ça ne presse pas. »« Que si, a-t-il dit, ça presse ? Ah, j'ai trouvé l'esprit de vin. » La bouteille était devant lui, elle le voyait de profil. Farinet soufflait sur la flamme. Ce qui restait d'obscurité entre la voûte et le falot tempête fuyait alors rapidement de toutes parts vers les recoins. et dans une vive lueur sa figure se peignait dans le plus grand détail, avec sa moustache devenue rousse, sa joue gonflée, une veine qui se gonflait aussi sur le côté de son cou. L'avancement de son chapeau faisait une grande ombre au-dessus de lui. Puis ses joues retombaient, et aussitôt la lueur retombait, pendant que la flamme du chalumeau se redressait, molle et flottante. Joséphine distinguait vaguement qu'il versait quelque chose dans un moule à la lumière immobile de la lanterne, plus faible encore et plus pâle qu'avant. Et brusquement il avait dit « Est-ce qu'ils sont venus aujourd'hui ?»« Non. Hier ?»« Non. » Il faut croire qu'ils en ont déjà assez. C'est des gendarmes qu'il parlait. Eh bien, dis à Crétin que je viendrai un de ses prochains soirs. Mais il n'avait pas été plus loin parce qu'il s'était remis à souffler, tandis que la lueur grandissait encore une fois, projetant sa personne au-dessus de lui à la voûte, mais toute difforme et énorme et sans cou ni tête, bien que nettement marquée sur tout son contour. Puis tout s'est éteint de nouveau. Tout juste, si on pouvait la voir maintenant, elle, étant du même gris que la roche et que l'ombre, d'où elle sortait pour y rentrer presque aussitôt, et elle ne semblait s'avancer que pour revenir en arrière. Debout et immobile, les mains croisées sur son tablier, immobile encore tout un grand moment contre la paroi, mais la petite douleur lui avait passé de nouveau sous les côtes, comme quand on a du rhumatisme, comme il arrive aux vieilles gens quand le mauvais temps va venir, et dans le désordre de ses pensées, elle se disait « Qu'est-ce qu'il a ?» Elle se disait « Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas ? Il ne m'a pas embrassée, il ne m'a même pas dit bonjour. » « Oh !» Alors elle se redressa un peu. « Oh » continuait-elle, « peut-être qu'il a assez de moi, peut-être que c'est déjà ancien tout ça. » Continuant de remuer en elle les vieilles idées et les souvenirs, « peut-être, et je n'ai pas su voir, mais assions déjà, avant qu'on le mette aux galères. » « Oh, Farinet !» C'est ce qu'elle a dit tout haut, et s'étonne elle-même de s'entendre. Comme si ce cri, ce n'était pas elle qui l'eût poussé. Il se retourne, sans bien comprendre, mais elle secouait la tête. Il ne la reconnaissait pas, la faible lueur de la lanterne. Parce qu'elle avait changé, parce qu'elle était devenue plus grande. « Qu'est-ce que tu as ? » disait-il. « Tu t'impatientes ? » ?»« C'est que tu comprends, il me faut des pièces. Et je ne sais pas ce qu'il y a ce soir, ça ne va pas. « Je vois bien, Farinet, que tu n'as plus d'amitié pour moi. » Elle secouait toujours la tête. Elle avait fait un pas en avant, puis brusquement s'est retournée. Elle a levé ses mains, elle s'y cache le visage, qui devenait étroit entre ses mains. Il s'était levé, il faisait une ombre qui allait jusqu'à elle, sur le sable clair, sur le sable doux. Il disait « Voyons, Joséphine, voyons. Non, tu ne penses qu'à ton or, et pas à moi. » « Mais, disait-il, voyons. » Il ne savait plus que dire. Et elle « Non, non, rien qu'à ton or, Farinet, rien qu'à toi. » La tête dans ses mains, puis se détourne de lui. « Dis-moi, disait-elle, dis-moi, non, non, laisse-moi, Farinet. » Mais il l'avait rejointe, cette fois, il l'avait prise par l'épaule, il disait « Tu perds la tête !» Il disait « Voyons, voyons !» Et parce qu'il avait bon cœur quand même, il l'avait tirée à lui, il lui avait pris une de ses mains. Il disait « Voyons, montre ta figure, voyons !» Mais tout à coup, c'est lui qui avait été pris à bras le corps, parce qu'elle s'était jetée contre lui. « Oh » disait-elle, « est-ce vrai ? Est-ce bien vrai ?» La pipe de Farinet est tombée à terre. Elle tenait sa figure tendue contre la sienne. Elle le chauffait avec sa chaleur. « Oh » a-t-elle dit, « j'aime te servir. » Elle tendait sa bouche. Elle lui disait, « Oh, est-ce que c'est vrai ? Oh, est-ce que c'est bien vrai ? Oh, pardonne-moi, Farinet, je croyais. » Pendant qu'il allait en arrière, ils étaient au bord de la paillasse, il a failli tomber. Elle disait « C'est que je t'aime, c'est que je t'aime !» Mais les mots devenaient indistincts sur ses lèvres, puis il se sont tus tout à fait. Combien de temps s'était passé, il n'aurait pas su le dire. Il fut même un moment sans bien savoir où il était. Il n'avait pas encore ouvert les yeux, et dans sa tête pleine des fumées du rêve, il n'y avait pas place pour la réalité. Il se demandait « Où est-ce que je suis ?» Il s'est répondu d'abord avec tristesse, aux galères. Mais une bouffée d'air frais lui ayant passé en ce même moment sur la figure, non, au chalet, se sentant heureux, dans son cœur. Puis tout change encore une fois à cause d'une odeur de pétrole dont il venait d'avoir conscience. C'est que le falot tempête s'était éteint, faute d'aliments. Et la tristesse revenait pendant qu'il se dit « Je suis dans la grotte ». et en même temps il touchait quelque chose de tiède à côté de lui. Il avait ouvert cette fois les yeux, il ne bougeait pas, et comme la paillasse était un peu en retrait, il dut d'abord s'habituer à la demi-obscurité au fond de laquelle il était lui-même, couché sur le dos, regardant en l'air sans comprendre la voûte que l'ombre et la faible lumière départageaient au-dessus de lui. Puis tout à coup il abaissa ses yeux. Alors elle avait été là, alors il l'avait reconnue. « Ah oui, se disait-il, c'est elle, ah oui, elle est venue avec les provisions. » Il a été triste, de nouveau. Il s'écarta d'elle légèrement à cause de la chaleur de ce corps qui était trop près du sien. Il pouvait la voir indistinctement, il avait pu voir qu'elle dormait. Il la voyait de mieux en mieux, avec sa grande figure lisse, au front tiré en arrière par les cheveux, si étroitement entretressés qu'ils ne s'étaient pas défaits. Elle faisait une moue avec la bouche. On voyait qu'elle était heureuse. Elle était heureuse maintenant, heureuse, confiante, tout abandonnée au sommeil, pleine de contentement. Sa grande respiration tranquille soulevait régulièrement sous la couverture de laine brune sa poitrine, comme quand une horloge bat. Une fois, deux fois, un coup, encore un. Et du milieu du bruit de l'eau venait aussi le bruit de son souffle, qu'il entendait, tellement il était près d'elle. Il s'en irrita, tout à coup. Il se disait, elle est encore là, quelle heure est-il ? Et cherchant sa montre dans la poche de son gilet, il a vu qu'il l'avait ôtée. Puis, s'étant retourné, il l'aperçoit jetée par terre à côté de la paillasse. Alors, il a fait un grand mouvement pour s'en saisir, et elle a été découverte, montrant son épaule nue. Il s'est dit, tant mieux, ça la réveillera. Une grosse épaule, ronde et pleine, et le bras plus bas était de deux couleurs, brun et blanc. On voyait son cou qui était brun et blanc. On voyait qu'elle avait la figure brune et la gorge blanche. Mais lui cherchait avec impatience sa montre, fouillant dans toutes les poches de son gilet, au hasard, jusqu'à ce qu'il eût trouvé la bonne. Il voit qu'il est 3 heures. « Joséphine ! Hé, Joséphine !» Elle n'entendait pas. Elle continuait à sourire. Il l'a prise par l'épaule tandis qu'il la secouait. « Hé, Joséphine ! C'est l'heure !» Sa respiration s'est interrompue, tandis que ses paupières lisses allaient lentement en arrière, découvrant le globe des yeux, vide d'abord. Mais bientôt, ils avaient été occupés de nouveau par la connaissance, et le sourire qui n'avait pas quitté sa bouche et montait jusqu'à eux, et ses yeux ont souri. Elle lui a tendu les bras, mais lui, assis sur la paillasse à côté d'elle, il a dit « Pas de ça, Joséphine, pas de ça. Il est l'heure, tu sais, il va faire jour. » Il recommençait. « Pas de ça, pas de ça, il te faut t'habiller. Est-ce que tu veux me faire prendre ? »